Joseph Sabiyabandi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Désormais, les parkings sont payants au centre-ville Bujumbura. 300 francs burundais sont les frais de stationnement pour une heure. C'est demain que sera célébrée la journée mondiale du réfugié. Le HCR interpelle chaque gouvernement de faire sa part d'action en faveur des réfugiés. Et ce mardi, les élèves vont passer le concours national. Certaines directions provinciales de l'enseignement disent que les élèves sont déjà prêts. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La mairie de Bujumbura va désormais percevoir les frais de stationnement sur tous les véhicules qui seront stationnés sur toutes les voies publiques. Ramadan Hurikiye, conseiller principal du maire de la ville de Bujumbura, indique que pour une heure, chaque véhicule payera 300 francs burundais. Il précise que cette décision ne concernait pas des véhicules de l'État. Il ajoutait que des agents de la mairie avec des identifications sont déjà disponibles à cet effet. On l'écoute. C'est une décision du maire du 27 octobre 2016 qui est déjà en vigueur pour le transport rémunéré. Seulement actuellement, dès ce lundi le 19 juin, on va l'appliquer pour le transport non rémunéré, ce qu'on appelle le transport à faire promenade. Alors la mesure consiste à faire payer le frais de stationnement sur la ville de Bujumbura. Pour un stationnement qui ne dépasse pas une heure, c'est 300 francs. Pour un stationnement qui dépasse une heure, c'est 300 francs par esprit. Et pour un stationnement qui ne dépasse pas 12 heures, c'est 2000 francs. Ceux qui veulent s'abonner mensuellement peuvent payer 30 000 francs par mois. Ce qui est à signaler ici, c'est que ne sont pas concernés les véhicules de l'État, tout autre véhicule civil est concerné par la décision. Quels sont les espaces qui sont les plus concernés par cette décision? Les parkings qui sont dans des enclos, des sociétés ou bien des privés, ne sont pas concernés. Sont concernés les parkings sur la voie publique. Les avenues dans des quartiers résidentiels ne sont pas directement concernés, mais les routes goudronnées qui traversent ces quartiers sont concernées. Des propriétaires de véhicules vont stationner à moins d'une heure. Quelle sera la réglementation relative? Le principe, c'est de le paiement stationnement une heure en ville. Si vous changez de l'endroit, n'y a pas encore épuisé l'heure de stationnement, alors là, on ne vous taxe pas de payer encore une fois. Mais si vous dépassez cette heure, là, vous allez être obligé de payer l'heure supplémentaire. Il faut procéder, bien sûr, à la collecte de ces frais de stationnement. La collecte se fait par des agents qui ont des badges. Ils identifient. C'est mieux de donner votre argent à NEA, vérifier si l'agent dispose d'une badge. Il dispose aussi d'étiquette Valère. Il y a aussi le logo de la mairie. Les gens doivent être vigilants. Les gens qui font ce travail disposent d'une identification parce qu'ils assurent aussi la sécurité de leur véhicule là où ils stationnent. C'était Ramadan Hurikiye, il est conseiller principal du maire de la ville de Bujumbura. La journée mondiale du réfugié sera célébrée ce mardi. Dans un communiqué de presse, le HCR appelle les gouvernements à travailler ensemble et à chacun d'eux d'assumer sa juste part de l'action en faveur des réfugiés. Au Burundi, la célébration de cette journée se déroulera au camp de réfugiés de Moussassa. C'est dans la commune Kirimba de la province Ngozi. Un recensement a été fait dans tout le pays par l'Office national des pensions et risques professionnels à l'endroit des bénéficiaires des pensions. Cela a été dit ce lundi par le directeur de l'ONPR au cours de la présentation des réalisations semestrielles de cet office. Valentin Bagorikunda indique que ce recensement a permis d'identifier les bénéficiaires qui ne remplissaient plus les règles pour percevoir ces pensions. Suivez Valentin Bagurikunda, directeur de l'ONPR. À titre illustratif, l'ONPR a déployé à travers toutes les communes du pays ses agents et cadres pour une campagne de recensement physique des bénéficiaires dans le but de lutter contre la fraude à ces prestations, ce qui lui a permis de récupérer des fonds contre les bénéficiaires qui ne remplissaient plus les conditions. Dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance, les réunions de tous les organes statutaires ont été régulièrement tenues conformément à la loi. Dans le souci d'assurer la pérennité et la viabilité de ces régimes, l'ONPR a investi des fonds par le biais des souscriptions aux bons du trésor et aux obligations du trésor. L'Office a aussi effectué un placement dans une banque de la place. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de ces prestations, l'ONPR utilise davantage les nouvelles technologies de l'information et de la communication moderne. Isanganiro, la radio de l'avenir. Sur la page éducation, les écoliers de la province de Bubanza qui ont moins de 14 ans sont appelés à se diriger vers les centres de santé les plus proches pour prendre des médicaments contre les vers intestinaux. Cet appel est du médecin provincial qui estime que ses enfants n'iront pas à l'école pendant les jours de passation du concours national. Il interpelle au même moment les femmes enceintes à répondre massivement à cette campagne qui commence ce lundi. C'est la page santé, vous l'aurez constaté. Et à présent, la page éducation. Plus de 10 000 candidats sont attendus au concours national d'orientation au poste fondamental dans la province scolaire de Bururi. Parmi eux, près de 2 000 candidats qui sont autodidactes. Selon le directeur provincial de l'enseignement, les préparatifs pour ce rendez-vous de ce mardi vaut bon train, Jean-Pierre Misago. Selon les chiffres disponibles à la direction provinciale de l'enseignement à Bururi, 10 477 élèves sont candidats au concours d'orientation au poste fondamental dans cette province du sud du Burundi. Parmi ceux-là, 8 519 élèves étaient régulièrement inscrits dans les 9e années fondamentales. 1247 sont des autodidactes dans les 9e années fondamentales, au moment où 711 sont des autodidactes des 10e années, selon Firmé Bouchoumi, directeur provincial de l'enseignement à Bururi, qui précise que ces 711 candidats feront le concours sur la matière qu'ils avaient vue. 52 centres de passation et 359 surveillants choisis parmi les plus compétents des enseignants de 5e et 6e années du fondamental pour minimiser les tricheries sont prévus. Toutes les directions communales de l'enseignement auront les questionnaires dès ce lundi et c'est là où les responsables des centres de passation les récupéreront et ramèneront les copies de réponses tous les 3 jours que va durer ce concours. Selon le directeur provincial de l'enseignement à Bururi, tout est en place pour le bon déroulement de ce concours. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Et sur la page sportive, la formation de football Lydia Ludic, championne de l'édition 2017 en première division, a été éliminée ce dimanche lors des quarts de finale de la Coupe du Président par Olympic Star de Muyinga. C'est au moment où, de son côté, la formation militaire de Muzinga, dernière du championnat, a pu se qualifier en demi-finale ce samedi après avoir battu l'équipe de la police Rukinzo. Evariste Nzikobanyanga nous donne les détails de l'actualité sportive. En quart de finale de la Coupe du Président, le match de ce samedi entre l'équipe militaire Muzinga et Rukinzo de la police était très attendu par le public de Bujumbura. C'est l'équipe de Rukinzo qui a dominé le match du début jusqu'à la fin du temps réglementaire avec un but à zéro. Dans le temps additionnel, Muzinga a égalisé à la 93e minute et le match s'est soldé sur le score d'un but partout. Dans la prolongation, la donne a changé. C'est Muzinga qui a dominé Rukinzo et le score final a été de 3 buts à 1 en faveur de Muzinga. Le coach de Muzinga, Jean-Pierre Gishikizo, a salué la détermination de ses joueurs. Je suis très content et je remercie mes joueurs qui se sont donnés sérieusement. On a constaté que pendant le premier mi-temps, votre équipe a été dominée. Qu'est-ce qui a manqué? Bon, c'est la détermination. L'équipe adverse était très déterminée plus que nous. Mais on avait pris une stratégie pour amener en plus. Dans la deuxième partie, vous avez vu qu'on a amené des joueurs très rapides et qui savent bien marquer. D'autres équipes qui se sont qualifiées en demi-finale, il s'agit de Messager Ngozi qui a battu Espoir 1-0 et Atletico Olympique qui a battu Rumonge City sur le score fleuve de 5-0. Ce dimanche à Gitega, Lydia Ludic a croisé le fer avec Olympique Star. Ce match équilibré s'est terminé sur le score d'un but partout. Ces formations ont fait recours à une prolongation de 30 minutes, mais rien n'a changé. Des tirs au but s'en sont suivis et c'est le club Olympique Star qui est sorti vainqueur avec 5 pénaltys sur 4 de Lydia Ludic. Lydia Ludic, tenant du titre du championnat national 2017, est éliminé de la Coupe du Président au moment où Muzinga, le dernier du championnat, qui a même déjà relégué en deuxième division, est qualifié en demi-finale de la Coupe du Président. En demi-finale de cette coupe, Messager Ngozi rencontre Atletico Olympique et Muzinga croise le fer avec Olympique Star. Merci à Evariste Nzikobanyanga. Sur la page hygiène, certains habitants du quartier Guissio de la zone urbaine de Kanyosha se plaignent des odeurs nauséabondes et des fumées dégagées par un débotoir non contrôlé de la localité. Ils y craignent également des maladies respiratoires et celles des mains sales. D'autres encore souhaitent que les saletés qui y sont soient déversées dans d'autres endroits. Mireille Kanyang pour les détails. De la fumée, des odeurs nauséabondes, c'est le premier constat une fois dans ce quartier près du dépotoir. De belles maisons construites non loin d'un ravin dans lequel était extraite de la terre pour la construction des maisons sont également observables. À ce site, nous avons trouvé trois femmes toutes tournant et retournant ces déchets solides à la recherche du charbon, l'une portant un enfant au dos. Pour la sexagénaire, ce dépotoir est la source de vie et venait de remplir de charbon un sac qu'elle croit pouvoir vendre à 5000 francs burundais. Elle estime qu'elle aura de quoi nourrir ses petits-enfants. Plus loin, une mère est assise, divorcée, nous dit-elle. Ce dépotoir lui est d'une grande utilité. Ces femmes ne craignent pas de maladie car, explique-t-elle, Dieu est leur médecin. Toutefois, pour le jeune homme qui habite non loin de là, les fumées et odeurs de ces déchets sont insupportables. Bien que le site soit fermé il y a de cela une semaine, les habitants des alentours craignent des maladies respiratoires, sans oublier celles des mains sales, vu les nombreuses mouches qui s'invitent sur leurs ustensiles. Pour celui-ci, ainsi que cette mère de 4 enfants, ces déchets doivent être amenés ailleurs dans des endroits prévus à cette fin. Merci à Mireille Kanyangé. C'est sur cet élément que nous bouclons ce journal. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Désormais, les parkings sont PA au centre-ville de Bujumbura, 300 francs burundais. Ce sont les frais de stationnement pour une heure. Et c'est demain que sera célébrée la journée mondiale du réfugié. Le RASTER interpelle chaque gouvernement de faire sa part d'action en faveur des réfugiés. Et ce mardi également, les élèves vont passer le concours national. Certaines directions provinciales de l'enseignement disent que leurs élèves sont prêts pour ce rendez-vous. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.